Algérien rien fâché, tu vas finir ensemble. T'es pas de la famille, frère, on n'est pas ensemble. Je vais sortir mon album avant décembre. Je reviens de l'enfer, au café ma face. On n'est pas pareil, tu n'es pas de ma race. On m'attendait pas d'un coup, j'ai sorti l'as. Des aides, des terres, sous garras. Ouais, c'est le ska. Je veux mourir le front au sol, j'ai la même religion que Niska. En attendant, je fais des sous, je pique grave. Et un jour, j'irai prendre ma retraite à Piscra. Y'a que la daronne et les vrais qui savent. Mon chien cringe là, ils savent. Bien sûr qu'on va sortir les sabres. J'ai que des billets, mais un dit, je le salve. Serbile day, Zina. Algérien nerveux, Amzila. Algérien kabyle comme Zidane. Comme Benzé, comme Atal. Bouge de là, tu n'es pas de la mif. Mais un de kshel nif. Ou marak chakfir. Wahed el khif. Serbile day, Zina. Algérien nerveux, Amzila. Algérien kabyle comme Zidane. Comme Benzé, comme Atal. Bouge de là, tu n'es pas de la mif. Mais un de kshel nif. Ou marak chakfir. J'éteins la lumière à ces harkis. J'suis africain, j'suis pas harbi. J'suis le capi, je les décapite. La mise, il est déjà pris, t'auras pas galpi. Sont dans la caisse, j'passe à la thèse. J'passe à Nodroma et à Boumerdès. Les frères de Hanepa et de Belhadès. Ils font plus d'argent que des Français en haine. J'suis posé devant le maqam shahid. On a plus de valeur que Chanel. Plus de valeur que tes vieux Richard Mille. On n'est pas très vieux, mais avant de dormir, on shahid. J'veux des dollars, j'échangerai tout en dinar. J'fais Béchar, Mascar en Porsche. 240 sur la voie de gauche. T'as le CLM de mes frères de poche. Le salem de mes haragas. Qui te sort le mousse, fais pas le baraké. Alger la planche, t'es pas le paradise. On te baise même si tu fais du karaté. Sahbé, si on sort la piyab, on devient fou. On est plus nombreux que les triades. Hadhaf el gol ya riyad. Hadhaf el gol ya riyad. Serpile day, Zina. Algérien nerveux, Amzila. Algérien kabyle comme Zidane. Comme Benzé, comme Atal. Bouge de là, tu n'es pas de l'ami. Mais un deux kshel ni. Ou marak chakhbi. Wahad el khi. Serpile day, Zina. Algérien nerveux, Amzila. Algérien kabyle comme Zidane. Comme Benzé, comme Atal. Bouge de là, tu n'es pas de l'ami. Mais un deux kshel ni. Ou marak chakhbi. Wahad el khi. Nous on a le sang chaud, donc ne fais pas le fou, tu vas goûter le sol. Si tu viens ici, ne fais pas l'imbécile, tu quitteras pas la zone. Tu nous achèteras pas, même avec des millions, on s'en fout de la zone. Algérien fâché, c'est nous les hommes. Algérien fâché, c'est nous les hommes. Algérien fâché, Algérien fâché.